Ça va, Rose? Comment va, gros? Ouais, ça va, ma pomme, on est là. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé la dernière fois, mec? Oh là là, c'est chaud, clean. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Arco? La société, ses banques sont des 6 rats. Des abuseurs comme des SK. Des braqueurs en CLK. Le président envoie ses troupes pour qu'ils cassent des dents. Pour qu'ils cassent des gens. Rarement, leurs opérations sont faites dans le vent. Dorénavant, ton argent devient vite leur argent. Le sang coule souvent, très souvent à cause des différences sociales. Des différences raciales. Ça crée des différends plutôt infernales. Ça va mal, tout va mal et ça fait très mal. Très peu respecté dans les rues, la jeunesse a mal. Sa douleur se solde par la rancœur. Changée en horreur, erreur qu'on a du mal à faire disparaître. Preuve irréfutable, l'État nous le resserre sur la table pour mieux nous la mettre. Eux qui n'ont ni foi, ni Dieu, ni maître. Eux qui n'ont ni foi, ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Tout va mal. Parce que c'est chacun pour sa pomme. Parce que l'État ne pense qu'à lui. Parce que Sarko nous fait payer plein pot. Tout va mal. Parce que les gens sont baisés. Parce que le pouvoir mis en place à deux vitesses. L'argent est mis en avant. Tout va mal. Parce que les gens ne se calculent plus. Parce que la patience ne paye plus. Parce que nos vies sont des fardeaux. Tout va mal. Parce que l'hypocrisie règne ici. Le peuple réfute la loi. Parce que l'inégalité se fait sentir. Tout va mal. Les boutiques et les banquiers se font braquer dans le terre-terre. Moi je suis traqué par la pestu. Je suis marqué par le vécu. Je suis claqué par cette vie, tiens. Je compte plus les minutes sous la pendule. Je décapsule pour mes crapules. Sous la capuche dans leur petite bulle. Ma voix sonne comme le grabuge. Je tire un trait sur ma belle époque. Eh ouais, pu. Les pierres deviennent des projectiles. Les terres se cachent au bout du fil. Ils te suivent même dehors. Ne me parle pas de score. Car ça n'est pas du rap game armé. Le 22 crâne au HLM. Le boxon, c'est ce qu'ils aiment. Les pompes, ils font des heures sup. La conseillère dans consomme des bières dans les couloirs du lycée professionnel. Y'a les putes qui donnent leur derrière en promotion. Y'a la France qui purge sa dette. Y'a les potes qui tournent leur veste. Y'a les petits qui prennent du ferme. Y'a Clean et son équipe. Y'a l'UMP, la droite contre ma rue. Désespoir est bien connu. On charge le mortier comme l'ONU. Tout va mal. Parce que c'est chacun pour sa pomme. Parce que l'État ne pense qu'à lui. Parce que Sarko nous fait payer plein pot. Tout va mal. Parce que les gens sont baisés. Parce que le pouvoir mis en place à deux vitesses. L'argent est mis en avant. Tout va mal. Parce que les gens ne se calculent plus. Parce que la patience ne paye plus. Parce que nos vies sont des fardeaux. Tout va mal. Parce que l'hypocrisie règne ici. Le peuple réfute la loi. Parce que l'inégalité se fait sentir. Tout va mal. Je dors plus la nuit, l'amour me torture dans l'erreur. Et quand on me masturbe dans moi, la douleur est rageuse. Ne vous fais pas au sourire. Derrière ma vie se cache toujours un plat qui marine. Quand les gens s'y attendent pas, ils soupirent. J'arrose avec ma gazeuse. Quand tout va mal, les lâches se réfugient dans les banquilles de marine. Quand tout va mal, observe ton terre-terre. Combien de frères pour qu'à vous assassine. Pendant que l'État nous parle d'économie, rares sont les hommes politiques condamnés. Quand ils font du sale, ils inversent ses rôles. Écoute, Roger Domer. À ma parole, ceux qui nous font avaler, c'est de la demeure. Et ça m'affole depuis l'école. Ils nous manipulent quand tout va mal. Face à eux, on n'est pas ridicule. Même s'ils veulent avoir le monopole. Quand ça devient chaud, on s'essuie, tirer sa armée. Quand y'a la canicule, la lumière reflète son chrome. Si on ressent les lacunes, tout va mal. Parce que c'est chacun pour sa pomme. Parce que l'État ne pense qu'à lui. Parce que Sarko nous fait payer plein pot. Tout va mal. Parce que les gens sont baisés. Parce que le pouvoir mis en place à deux vitesses. L'argent est mis en avant. Tout va mal. Parce que les gens ne se calculent plus. Parce que la patience ne paye plus. Parce que nos vies sont des fardeaux. Tout va mal. Parce que l'hypocrisie règne ici. Le peuple réfute la loi. Parce que l'inégalité se fait sentir. Tout va mal. Parce que c'est chacun pour sa pomme. Parce que l'État ne pense qu'à lui. Parce que Sarko nous fait payer plein pot. Tout va mal. Parce que les gens sont baisés. Parce que le pouvoir mis en place à deux vitesses. L'argent est mis en avant. Tout va mal. Parce que les gens ne se calculent plus. Parce que la patience ne paye plus. Parce que nos vies sont des fardeaux. Tout va mal.